Dégringolade. En ce mois de juin 1989, Faustine reçoit son beau-père à Saint-Rémy. Maman s'étant cassée la cheville la veille du départ, André est venu seul. À Lausanne, Stéphane a pris le relais de son père, il dorlote sa mère. Chez Maxime et Faustine, André passe ses journées à lire, à méditer et à écrire d'interminables comptes rendus de ses faits et gestes et de ses ressentis, comme il l'a fait toute sa vie. Il est également à l'écoute du couple Maxime-Faustine dont il constate « C'est tout de même incroyable. Vous dites exactement la même chose sur des fréquences contraires. » Faustine n'en croit pas un mot. Et puis d'abord, ce n'est pas en 2 jours qu'on peut sonder ainsi la santé psychique et affective d'un couple. Faut tout de même pas pousser. Elle éprouve cependant un orgueil légitime à faire visiter la prana à son beau-père, à afficher sur son lieu de travail la confiance dont elle bénéficie et les nombreuses responsabilités qui lui incombent. Ici, elle est quelqu'un. Elle est importante. On fait confiance à son intelligence, à ses compétences. André apprécie, mais ne tarde pas à vouloir retrouver ses pénates suisses, où il est très attendu, dit-il. Faustine, sachant qu'André tient à jour la comptabilité d'un ami, commande d'un air faussement complice. « Ah oui, c'est vrai, bientôt la fin du mois, ton client va avoir besoin de toi. »« C'est cela, » répond André, pris de court. « Que n'a-t-elle pas dit là ? Ne sait-elle pas depuis le temps qu'il ne faut jamais remettre en question la haute idée que se font les gens d'eux-mêmes, surtout celui-là ? Pour l'heure, ignorant du tsunami que sa remarque a provoqué, Faustine reprend le collier comme si de rien n'était, après avoir accompagné André à la gare de Lyon. Une semaine plus tard, le téléphone sonne sur son bureau. « Allô, Faustine ? Bonjour, papa. Comment ça va à Lausanne ? Maman s'est bien remise de son accident ? Oui, mais ce n'est pas pour ça que je t'appelle. Je voudrais que tu saches que j'ai été extrêmement choquée par ton manque de respect à mon égard. » « Comment ça ? Ton mépris est inadmissible. » « Excuse, mais de quoi tu parles ? » « Je n'ai pas qu'un seul client, figure-toi. Je suis connue et appréciée sur la place de Lausanne. J'ai une réelle carrière derrière moi. J'ai fait quelque chose de ma vie. Contrairement à toi, pathétique mythomane, jamais je ne laisserai une petite employée subalterne comme toi se moquer ainsi de moi. J'attends tes excuses, » hurle-t-il en raccrochant brutalement. Surprise par la violence des propos, Faustine est sidérée. Quelques mots ont suffi à raviver tous les contentieux. Elle comprend que ses efforts démentiels pour mériter l'estime de ses parents ont été dérisoires. Elle, qui était si fière de montrer le chemin parcouru à son beau-père, n'obtiendra jamais une quelconque reconnaissance des siens. Il n'a pas évalué d'un iota celui qui avait décrété l'unique but d'une femme est de se marier et de pondre des gosses. Quand on a des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Maxime, pour une fois solidaire, réagira de même. En direct, t'as tapé là où ça fait mal. J'en ai bien l'impression. Tu m'accompagnes aux Arcs le mois prochain. J'ai un contrat d'une semaine autour du 14 juillet. C'est demandé si gentiment. On profitera de la montagne en été cette fois. Oui, je n'aurai pas mal aux pieds. Juste avant leur départ, Thérèse, une amie américaine, s'annonce à Saint-Rémy. Ils l'emmènent dans leur bagage. C'est pour elle l'occasion inattendue de visiter les Alpes françaises. Sur place, quand Maxime ne joue pas, l'orchestre part en randonnée. Le 13 juillet, l'équipe décide de descendre l'Isère en kayak. Affublée de casques, gilets, pagailles, Faustine trouve l'aventure fascinante. La descente dure 1 heure dans un paysage idyllique. L'Isère est la plus belle rivière des Alpes françaises. Le fait qu'il faille se focaliser sur les mouvements adéquats, travailler en équipe, rend l'expérience encore plus captivante. Même si Faustine se sent un peu frustrée de ne pas la partager avec Maxime, embarqué sur un autre canoë. En outre, depuis leur départ de Paris, il consacre son temps à Thérèse. Et pour cause, organisatrice de concerts et de manifestations, celle-ci aimerait bien se faire une petite place au soleil en Europe. Maxime se propose de l'introduire dans les milieux adéquats en échange de contrats pour son orchestre aux USA. La nuit du 13 au 14 juillet, il y a bal sur la place du village aux Arcs. Évidemment, Maxime joue à l'hôtel puisqu'il est venu pour ça. Faustine et Thérèse sortent de leur côté. Elles discutent longuement en buvant beaucoup. Une fois de plus, Faustine ressasse ses désillusions, trouvant en Thérèse une oreille attentive qui l'encourage à prendre sa vie en main. L'alcool aidant, Faustine se monte la tête. C'est sûr, à Paris, elle prendra le taureau par les cornes et se libérera de son joug. Après le feu d'artifice, Faustine avale ses pastilles de rohypnol avec une gorgée de rhum et se couche la tête pleine de rêves d'anticipation. Le samedi 15 juillet au matin, le trio prend la route de Paris. Faustine souffre d'une migraine épouvantable. Maxime, excédé et eu pour cause, l'allonge sans ménagement à l'arrière de la voiture. Elle a encore pris le temps pendant le petit déjeuner d'avaler un joli cocktail analgésico-chimique, assez pour tomber dans un semi-coma. À Beaune, elle en émerge, demande à sortir de la voiture, fait deux pas et plus rien. Lorsqu'elle se réveille, son regard se porte sur un homme d'une beauté angélique assis en face d'elle. « Je suis morte ? Au paradis ?»« Non, seulement à l'hôpital de Beaune. »« Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Vous avez fait une crise d'épilepsie, juste devant une pharmacie. Ils ont appelé le SAMU. »« Où est mon mari ?»« Il a dû repartir sur Paris. »« Votre amie est restée. Elle vous attend. Vous rentrerez avec elle. » « Ça fait longtemps que je suis là. Vous avez fait votre malaise à 9h, il est 16h. »« Ah, quand même. Oui, on va vous faire un électroencéphalogramme et si tout va bien, vous partez ce soir. » On ne le dira jamais assez, il ne faut pas sous-estimer la capacité de récupération des alcooliques. En moins d'une heure, Faustine est à nouveau sur pied, comme si rien ne s'était passé. De retour à Paris, elle retrouve Maxime, pas content du tout. Cette fois, ça suffit, les conneries. Tu vas vraiment finir par y passer si ça continue. Je n'avais pas réalisé à quel point ta dépression était grave. Lundi, j'appelle Cohen et tu vas accepter sa proposition de te faire soigner à Sainte-Anne. Tu veux me faire interner? Tu crois que je vais me laisser faire? Plutôt mourir et rejoindre Julien. Hier, j'ai hésité à jeter mon sèche-cheveux dans la baignoire pour en finir plus vite. Ne sois pas stupide. Je comprends que tu souffres. Tu n'es pas la seule. Tu es persuadée que tu n'as plus rien à vivre avec moi, mais je t'assure que tu te trompes. Avec un peu de bonne volonté de part et d'autre, nous pouvons encore tout reconstruire. Si seulement tu arrêtais de me fuir, si seulement tu renonçais à ces volte-face méprisantes qui me rendent fou chaque fois que je veux te parler. Mais ton histoire de sèche-cheveux ne tient pas debout. C'est facile, je sais, et ça fonctionne très bien au cinéma. Mais pense à la seconde qui va s'écouler, pendant laquelle tu comprendras que tu ne peux pas revenir en arrière. Faustine reste silencieuse. Pense à la terreur que tu ressentiras à ce moment-là, quand tu réaliseras que c'est trop tard. C'est long, une seconde, tu sais. Faustine n'a pas de contre-argument. Il a parfaitement raison. Elle est une âme en perdition. Elle va accepter l'internement. En d'autres temps, Maxime aurait déjà pu se débarrasser d'elle 10 fois s'il l'avait voulu. Entre 1935 et 1985, par exemple, 84% des lobotomies effectuées l'ont été sur des femmes dépressives, mélancoliques ou simplement réfractaires à l'autorité. Mais au sortir de la guerre, la plupart de ces maux n'étaient pas plus importants chez la femme que chez l'homme. Pourquoi elle, alors ? Tout simplement parce que dans un texte de loi datant de 1804, la femme est réduite à un objet d'expérimentation. De plus, jusqu'en 1979, elle est considérée comme mineure. Son père ou son mari font figure d'autorité, décidant si elle doit être opérée ou non. À quelques années près, au vu de son parcours chaotique, Faustine aurait tout aussi bien pu finir comme légume dans une prison terrifiante. Elle a de la chance dans son malheur, car Sainte-Anne, du moins la section dans laquelle elle est admise, n'est pas fermée, même si on déconseille fortement aux patients de recevoir des visites ou de sortir. Faustine y fait la connaissance d'une équipe de jeunes dont la plupart sont ici suite à des tentatives de suicide. François s'est tailladé les veines à cause d'un chagrin d'amour. Il paraît que c'est plus fréquent qu'on ne veut l'admettre chez les jeunes gens. Martine est borderline et doit se stabiliser chimiquement. Kay est en dépression parce que sa femme est partie avec leur fils. Outre Faustine, souffrant de troubles de l'humeur caractérisés par une succession d'épisodes maniaques dépressifs, il y a encore deux ou trois personnes un peu plus âgées. La plupart d'entre eux passent leur journée au dernier étage de l'immeuble, dans une pièce aménagée en salle de jeu. Entre groupes de parole et entretiens individuels, on y joue au ping-pong et aux cartes. Faustine se laisse initier au tarot. Le temps passe vite. L'ambiance joyeuse qui règne participe à la réussite du traitement. On l'a néanmoins prévenue qu'il lui faudrait de la patience, car le lithium met au moins 2 mois à faire effet. « Je ne sais pas vous, mais moi je mangerais bien des croissants. Les petits déjeuners sont pas vraiment terribles ici. Qui en veut ? Tout le monde ? Bon, alors j'y vais. » Et Faustine, en dépit des recommandations, quitte l'étage, tenant la porte au chef de service qui entre au même moment. Elle fonce à la boulangerie d'en face et remonte avec 2 douzaines de croissants tout chauds. Lorsqu'elle se promène dans le parc, Faustine tente d'apercevoir les fous dangereux derrière les fenêtres des pavillons. Mais si on entend parfois des cris bizarres, il est hélas impossible de voir quoi que ce soit. Bien vite, elle rejoint sa section et se lance dans des parties de cartes épiques avec Kay comme partenaire. Lui aussi est jeune, beau et gentil. Un père potentiel ? L'idée est en germe. Le mois d'août s'étire. Si elle est bourrée de lithium, Faustine n'en ressent rien et personne ne daigne lui expliquer le protocole. Pendant que Maxime retrouve ses filles à Cagnes, belle-maman Angèle rend visite à Faustine et se laisse inviter au restaurant chinois. La mère de Maxime explique à sa belle-fille que son fils a décidé de quitter la Pralna. Il prévoit de rejoindre une petite équipe d'ingénieurs qui a ouvert un bureau de conseil et représentation au nord de Paris et propose de bien meilleures prestations. Ce n'est pas pour tout de suite, bien sûr. Mais comme Jacques est en pleine tractation pour louer des locaux plus grands et plus lumineux aux Ulysses, il profitera du déménagement pour tirer sa révérence. « Et moi alors, qu'est-ce que je deviens ?»« Toi, tu te rétablis puis tu reprends ton travail, si Jacques veut toujours de toi. » « Oh, je n'ai pas peur pour ça. Il m'a dit qu'il me reprendrait sitôt que je sors d'ici. » Pendant la dernière quinzaine d'août, Faustine se confie beaucoup à Kay. Elle lui parle de sa vie, de son désir d'enfant. Elle tâte le terrain et finit par lâcher le morceau. « Tu serais d'accord de me faire un bébé ?»« Pourquoi pas ?»« Formidable, je vais recommencer à prendre ma température et je t'appelle quand je suis prête. »